Oui, monsieur le maire de Tende, monsieur le maire de la Brigue, monsieur le représentant du maire de Fontan, mesdames et messieurs les adjoints des différentes communes de la vallée de la Roya, et puis monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Tende. Et surtout madame la présidente du comité des fêtes de Granit et ses adjoints. Oui, félicitations pour votre comité des fêtes. Granille, qui est une bourgade, un petit hameau de Tende, est un hameau qui a conservé tout son caractère. Et je crois que c'est indispensable. Moi, je me souviens, lors de ma première campagne électorale, monsieur le maire, je suis monté à pied. Il n'y avait pas de route. Et petit à petit, il n'y avait pas de tout à l'égout. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Et petit à petit, avec l'aide et la discipline des granulés, ils se sont beaucoup investis, petit à petit, on est arrivé au résultat que vous voyez à l'heure actuelle, même la chapelle, il a fallu restaurer la chapelle, etc. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le conseiller général, puisqu'ici je représente, en ma qualité de conseiller général du canton, vice-président du conseil général, le président Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, le conseil général ne vous oublie pas. À telle enseigne que je n'ai pas beaucoup à dire, puisque vous avez vu tout de même ce qui s'est fait, je voudrais rappeler quelques chiffres, monsieur les maires du canton. Ici, c'est le RD, la route départementale 191. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, c'est la route de Granit, mais c'est la 191. Et sur la 191, il a été mis 500 000 euros. Et ça suffira peut-être pas pour finaliser peut-être les travaux. Sur la 91, c'est-à-dire la route de Castérino, le conseil général a mis 414 837 euros, sans compter les 1 500 000 euros qui ont été financés par le conseil général pour remettre en état la route qui avait été emporté par un éboulement. Et puis la Brigue, monsieur le maire de la Brigue, il va falloir qu'on mette un panneau quand même. Parce que même le conseil général, parce que là, c'est quand même beaucoup. 1 005 986 euros. Alors si on totalise tout cela, les routes départementales du canton se voient dotées cette année 2006 de 3 420 823 euros. Je crois que c'est un record. Ils ont mis pas mal d'argent les années précédentes, mais cette année, c'est vraiment un record. Je ne compte pas la traversée de Tende, en enrobé, et la traversée de Saint-Dalmas, qui va être réalisée également. Je l'ai obtenue alors que ça n'était pas prévu. Et puis, tous les travaux dans la route de la Roya, on va quand même entamer, 2006, fin 2006, début 2007, un tunnel dans les gorges de Paganel. Et on va procéder à l'élargissement, après le tunnel à Val de Saorge, l'élargissement pour se rendre vers la diagonale, la route à trois voies, qui se trouve au nord de Braille. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, sachez que le président du conseil général, que je représente aujourd'hui, est très sensible au développement du haut pays. Et il n'y a pas que, quelquefois on a dit, les allusions. Il n'y a pas que la Tinée et la Vésubie, il y a également la Roya et la Bévéra qui comptent énormément pour lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez que le département et moi-même, nous sommes très attentifs, monsieur le maire, au financement de tout un tas d'investissements, d'investissements très importants dans toute la province. Et Castérino, mais je l'ai dit Castérino, monsieur le maire, puisque Castérino, rien que pour l'éboulement, on a sorti 1 500 000 euros pour l'éboulement. Et tous les travaux qui vont être réalisés ensuite. Voilà, félicitations encore pour ce beau village de Granit. Vous savez que j'y suis très attaché. Il n'y a pas que moi, il y a le maire de la Brigue aussi. Parce que nous avons des ancêtres Guido dans notre famille. Moi, j'ai une grand-mère qui s'est mariée ici, qui est née ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous et à toutes et bonne fête. Le comité des fêtes vous invite à prendre l'apéritif d'honneur. Merci.